Il était sombre en arrivant chez lui. Husson et Delaurier l'attendaient. Le bohème, assis devant sa table, dessinait tête de turc, et l'avocat, en bottes crottées, sommeillait sur le divan. « Ah, enfin » s'écria-t-il. « Mais quel air farouche! Peux-tu m'écouter ?» Sa voix comme répétiteur diminuait, car il bourrait ses élèves de théories défavorables pour leurs examens. Il avait plaidé 2 ou 3 fois, avait perdu, et chaque déception nouvelle le rejetait plus fortement vers son vieux rêve. Un journal où il pourrait s'étaler, se venger, cracher sa bile et ses idées. Fortune et réputation, d'ailleurs, s'en suivraient. C'était dans cet espoir qu'il avait circonvenu le bohème, Husson possédant une feuille. À présent, il a tiré sur papier rose. Il a inventé des canards, composé des rébus, tâché d'engager des polémiques et même, en dépit du local, voulait monter des concerts. L'abonnement d'un an, entre guillemets, donnait droit à une place d'orchestre dans un des principaux théâtres de Paris. De plus, l'administration se chargeait de fournir à messieurs les étrangers tous les renseignements désirables, artistiques et autres. Fermez les guillemets. Mais l'imprimeur faisait des menaces. On devait 3 termes au propriétaire. Toutes sortes d'embarras surgissaient. Et Husson aurait laissé périr l'art sans les exhortations de l'avocat qui lui chauffait le moral quotidiennement. Il l'avait pris afin de donner plus de poids à sa démarche. « Nous venons pour le journal, » dit-il. « Tiens, tu y penses encore ?» répondit Frédéric d'un ton distrait. « Certainement, j'y pense. »